L'humeur maintenant est celle de Guillermo Guiz, messieurs. Bonjour les amis. Oh, mais arrête avec ça. On n'est pas tes amis. Ça roule sur la carapace, mon indifférence. On retourne en Belgique. Puisque... Absolument. Vous n'êtes pas sans savoir, surtout si vous le savez, mais le 1er novembre n'était pas qu'un jour spécial pour les moins ouvertement vivants d'entre nous. Big up Jim Morrison, big up Lynn Renault. C'était également jour de fête pour les moins logés, puisque le 1er novembre coïncide avec la trêve des expulsions et le lancement des plans d'hiver pour les sans-abri. Et oui, c'est le grand retour des sans-abri dans l'actualité. Dernier marronnier humain avant le retour du Beaujolais nouveau. Ah oui, on y est déjà, ça passe tellement vite le temps, c'est quand même dingue. Et vous me direz, avec ce sens de la question qu'on vous envie dans tous les commissariats de France, oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Et je vous dirai, je sais pas, j'ai une petite idée, comme ça, petite idée, un resto qui aurait comme ambition, au départ, de distribuer 2 ou 3 000 couverts par jour, pas plus. Mm-hmm. Et vous me direz, mais ça c'est l'idée de Coluche. Et je vous dirai, sérieux? Et vous me direz, bah oui, mais ça c'est Coluche, 100%. Désolé, autant pour moi Michel. J'en profiterai pour rappeler quand même qu'on est déjà à 323 morts de SDF en 2016. C'est beaucoup, et oui, parce que oui, les SDF ne meurent pas qu'en hiver, contrairement aux célibataires, à 48 ans d'espérance de vie, c'est vrai, à 48 ans d'espérance de vie, 48 ans, vous vous rendez compte? Si on était SDF autour de cette table, il resterait Leïla et moi, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est tout, et Jules, peut-être, éventuellement. Ouais, quand même. À vue de nez, je sais pas, c'est pas beaucoup. Je fais le vexé. Ouais, vous resterez une vingtaine d'années. Quelle vache. Super agréable. 60, c'est le nouveau 40. Vas-y, enfin, continue, voilà. Petit con, pour ton papier. Pour notre plus grand bonheur et celui de la chaîne, on est moins sur du SDF que sur de l'ISF dans ce studio. Et en parlant de Nagui, je dois bien admettre qu'après mon coup de gueule en plastique de la semaine dernière, je vous le pousse vraiment ce coup-ci. Comment vous faites pour vous habituer à voir autant de misère sous les trottoirs de Paris, quand même? Vraiment, je dis pas qu'il n'y a pas de sans-abri à Bruxelles, je dis juste que chez nous, dans la rue, il y a quand même un peu plus de mobilier urbain. C'est vrai, Paris-Plage, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à la mer, mais Paris tout court, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à Calcutta, quoi. C'est vraiment des paysans, en fait. Moi, je suis pas vite choqué, j'ai déjà mangé chaud sur une aire d'autoroute, mais je m'y fais pas, quoi. Il y a des sans-abri partout, tout le temps, il y a même des gosses qui dorment dans la rue, ici, par terre. Enfin, et là encore, je viens d'un pays où quand quelqu'un recueille un enfant dans la rue, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le petit. Il fait non, j'aime pas spécialement les bonbons, père Albert. Enfin voilà, j'ai pas de solution toute faite. Mais quand même, on parle d'une civilisation qui laisse les gamins dormir dehors, quoi. À ce tarif-là, c'était pas la peine d'inventer les droits de l'homme. Il fallait vous contenter d'inventer les pépitos, quoi. C'est vrai, c'est pas un reproche, hein, ça déchire les pépitos. Il faut un grand peuple pour inventer les pépitos. L'équilibre entre biscuits et chocolat est impeccable. Je critique pas. Mais avoir autant de monde qui vit, dort, se nourrit et meurt dans la rue, c'est pas normal, quoi. Et vous allez me dire, ouais, Johnny, tu trouves que c'est normal, Johnny? Je vous répondrai que ça à voir. Vous me direz, non, on disait ça comme ça. Je vous dirais, enfin, si c'est interrompre pour interrompre, autant que ce soit un minimum pertinent. Et vous me direz, en même temps, si on voulait des leçons de morale, on aurait engagé Alexandre Jardin. Je vous dirais, ouais, bon, ok, c'est vrai que c'est pas normal, Johnny. Ce qui est normal, c'est qu'il va falloir un mort. Il va falloir un mort de froid pour que les SDF deviennent un enjeu de campagne. C'est terrible, quoi. Ce qu'il leur faudrait, c'est un leader charismatique, quoi. Et, à l'année, une figure emblématique, un Spartacus des SDF, quoi. Je sais pas, un José Bové ou même une Frigide Bargeot, s'il faut racler les fonds de théière. Enfin, je veux dire, un genre un sans-abri avec une histoire, un vrai destin. Pour toucher les consciences, quoi. Genre un sans-abri déradicalisé, quoi, pour intéresser les politiques, avec un gros accent berrichon pour qu'on puisse l'imiter facilement. Handicapé, ce serait top. Idéalement amputé d'un bras à cause d'une mauvaise mine dans un camp d'entraînement à Kandahar. Un truc un peu, genre qui joue merveilleusement du banjo quand même. La perle rare, sans ça, c'est mort dans les thèmes de campagne. Les SDF seront toujours coincés entre le bien-être des écrevisses et la composition de la tarte au chou rouge. Voilà, donc c'était trois minutes de mauvaise conscience à bas prix. La semaine prochaine, on posera une question qui intéresse vraiment les gens. Qui fait quoi pour la nouvelle année? Merci. Allez, bonne émission. Yeah, Guillermo Guiz.